La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le deuxième jour de cette série autour de l'œuvre et de la vie d'Emmanuel Carrère. C'est une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Clément Daté. Dans la vie d'Emmanuel Carrère, il y a la recherche de l'extraordinaire, une volonté de vivre intensément pour échapper à une profonde angoisse existentielle. On le sent dans toute son œuvre et en particulier dans Un roman russe qui raconte notamment l'histoire de son grand-père disparu, sans doute assassiné après avoir travaillé pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce grand-père venu de Géorgie et qui avait trouvé la France bien ingrate, le faisant travailler comme chauffeur de taxi, lui, l'intellectuel aux deux doctorats. Comme nous l'avons vu lundi lors de notre émission introductive, c'était avec Angie David et Christophe. Demain mercredi, nous creuserons ce roman russe d'Emmanuel Carrère et son rapport à la Russie. Il sera également question de son livre Limonov, tout cela en compagnie de la chercheuse en littérature Nathalie Frolov. Enfin jeudi, pour parler d'une autre thématique centrale chez l'écrivain, celle du rapport à la foi et à l'histoire de la chrétienté, eh bien nous serons avec Frédéric Boyer ainsi qu'avec Alain Romestin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler en particulier de l'autobiographie dans les romans d'Emmanuel Carrère, nous sommes avec Laurent Demanze, maître de conférences en littérature à l'École normale supérieure de Lyon, auteur de plusieurs essais publiés aux éditions José Corti, parmi lesquels Les fictions encyclopédiques de Gustave Flaubert à Pierre Sange, c'était en 2015, et il a également dirigé en 2008 le dossier consacré à Emmanuel Carrère dans le numéro 57 de Roman 2050, qui est une revue d'études du roman du 20e siècle édité par les presses universitaires du Septentrion. Et il y parle notamment du livre L'Adversaire, inspiré d'un fait divers, tout comme l'était De sang-froid, le grand livre de Truman Capote. Pierre Assouline avait d'ailleurs interrogé Emmanuel Carrère à l'époque de sa sortie au sujet de l'écrivain américain. On l'écoute. Le modèle absolu, c'est De sang-froid de Truman Capote. Tout à fait. On ne peut pas y échapper. C'était effectivement le modèle que j'avais dans la tête au début. C'était un modèle d'ailleurs très, très intimidant, parce que c'est un livre qui m'impressionne énormément. Enfin, d'une part, encore une fois, quand on touche à une réalité pareille, assez vite, c'est ça qui vous impressionne beaucoup plus qu'un livre, si grand soit-il, dont l'ombre pèse sur ce genre de travail. Et ensuite, je me suis aperçu que le projet que j'avais était finalement très très différent de celui de Truman Capote, qui s'était donné pour objectif, et qu'il a admirablement réussi, d'écrire un livre totalement objectif, dont lui-même était aussi absent que possible. Enfin, jamais il n'y intervient, il a même veillé à gommer sa présence. Alors que, chose que moi j'ai envisagé de faire assez longtemps, et pendant longtemps j'ai essayé comme ça, et je n'y arrivais pas, j'avais l'impression de quelque chose qui sonnait faux. En sorte que j'ai fini par l'écrire en m'y impliquant, en décidant que la seule solution honnête, je dirais pas dans l'absolu, mais pour moi, était de dire du début à la fin, au fond, comment j'avais connu cette histoire, comment petit à petit j'en avais connu les détails. De devenir l'acteur de l'affaire roman. C'est ça. Bonjour Laurent Demanze. Bonjour. Truman Capote, c'est donc l'une des grandes inspirations d'Emmanuel Carrère, peut-être l'une des plus évidentes. C'est sans doute la plus évidente, et comme il le dit dans l'entretien que vous avez nous avez fait écouter, c'est à la fois une référence intimidante et une référence par rapport à laquelle il va diverger. Intimidante parce qu'évidemment, s'attacher à un fait divers, c'est immédiatement songer à cette non-fiction nouvelle de Truman Capote. Qu'il invente, format, genre qu'il invente, c'est-à-dire s'attacher à saisir le réel dans toute son objectivité, mais en mobilisant de manière forte et très impressionnant toutes les ressources romanesques qui sont possibles. Néanmoins, ce que souligne Emmanuel Carrà dans cet entretien, c'est que ce souci d'objectivité de Truman Capote repose sur une disparition essentielle, sur un escamotage, c'est la place du jeu de l'enquêteur. Et c'est à partir de là que Emmanuel Carrère va faire bifurquer le projet de Truman Capote en disant non pas une observation qui soit une observation objective, mais en disant davantage le retentissement intime que suscite le fait divers sur ses propres obsessions et ses propres hantises. On peut dire qu'en quelque sorte, il s'agit de passer du modèle de l'observateur au modèle de l'acteur, ou plutôt de consigner sur le modèle de l'ethnographie quelque chose comme une observation participante. Ce qu'il dit à plusieurs reprises, lorsqu'on observe une expérience, lorsqu'on regarde attentivement dans l'immersion des acteurs, des personnes, une situation, eh bien cette immersion suscite des interactions, déplace les enjeux et nous fait bon gré mal gré un acteur ou un personnage de ce récit. C'est pour ça que la question de la place va être une question absolument essentielle tout au long de son travail. Donc c'est un héritier de cette non-fiction novel telle que théorisée par Truman Capote, aussi peut-être du nouveau journalisme de Tom Wolfe. Tout ça, c'est à peu près la même veine. Donc une veine qui serait au départ américaine, mais teinté d'une tradition littéraire française. Alors c'est très juste cette référence au nouveau journalisme théorisé par Tom Wolfe dans l'anthologie qu'il publie en 1973. D'autant plus juste que c'est une tradition dont s'inspire et que réclame Emmanuel Carrère, non seulement dans l'écriture de ses livres, mais également dans l'écriture de ses reportages. Et c'est là sans doute un des enjeux essentiels de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, c'est de refuser très clairement la distinction de champ entre le travail d'écrivain et le travail de journaliste. Mmh. Pour lui, cette différence n'est pas de nature, de légitimité, entre d'une part l'écrivain qui solliciterait des ressources littéraires adéquates, et d'autre part le journaliste avec ses contraintes, voire avec un certain caractère putassier dans les imaginaires. Non, pour lui, ce sont des différences de format. Mmh. Donc le journaliste, être qualifié de journaliste, ce n'est pas une insulte pour Emmanuel Carrère. Ah non, au contraire, il le revendique. Et d'ailleurs, si on regarde la genèse de la plupart de ses récits, la plupart de ses récits travaillent à partir d'un premier reportage, notamment pour la revue 21 dirigée par Patrick de Saint-Exupéry. Et c'est ce premier reportage qui donne à la fois l'impulsion, le désir et en quelque sorte l'insatisfaction devant le format contraint qui donne lieu par la suite à l'écriture du livre. Mais alors qu'est-ce qui va faire la différence entre un reportage au long cours fait par un journaliste qui ne serait que journaliste, et c'est là où c'est très ténu la frontière entre journalisme et littérature, et ce que propose Emmanuel Carrère, où on est quand même, même s'il n'y a pas écrit roman sur la couverture, vraiment dans l'ordre du roman, Laurent Demanze. Ben, je suis pas sûr que la différence soit si nette que ça, d'autant plus que parmi les figures qu'il sollicite cette fois-ci dans la tradition française, il va solliciter d'autres figures qui sont également à la charnière du journalisme et de la littérature. Je prends deux exemples, Jean Rollin et Jean Asfeld. Ces deux écrivains journalistes sont à la fois des journalistes réputés, notamment avec un prix Albert Londres, mais aussi des écrivains de grande ampleur. Pensons à ce que fait Jean Asfeld autour du Rwanda, ou aux dérives de reportages que propose Jean Rollin à l'intérieur de la ville de Paris, dans Zone, dans La Clôture, ou tout dernièrement dans le Traqué Kurde. Mmh. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas d'une question de champ, une question de légitimité, mais plutôt une question de pouvoir donner plus de retentissement à ce que suscite l'enquête, retentissement intérieur à ce que suscite l'enquête. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Emmanuel Carrère avec vous, Laurent Demanze. Alors, ce que vous nous expliquez sur ce rapport entre le journalisme et la fiction, vous l'entremêlez aussi avec la question de la place du narrateur, de la place d'Emmanuel Carrère dans ses livres. Et c'est tout à fait à penser ensemble, si l'on peut dire, parce parce que c'est précisément avec cette place qu'il va pouvoir triturer l'héritage de Truman Capote et de Tom Wolfe pour en faire autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la place du narrateur apporte vraiment du renouveau dans cette tradition du journalisme narratif et du journaliste-écrivain? Alors je voudrais distinguer peut-être deux éléments concernant cette place, qui est un des enjeux qu'il, sur lequel il réfléchit à de très nombreuses reprises, et notamment dans d'autres vies que la mienne, avec le juge Étienne Rigal. Deux enjeux différents. Le premier enjeu, c'est évidemment de souligner, en inscrivant à l'intérieur du récit sa place, que la perspective est une perspective subjective, partielle et partiale, et que c'est donc un récit qui est passé par le tamis d'une perspective tout à fait singulière. Il ne s'agit donc pas de proposer une illusion d'objectivité, mais de soumettre au lecteur un témoignage, et la figure du témoin est particulièrement importante. L'autre perspective concernant cette notion de place, c'est quelle place je dois occuper en tant qu'écrivain journaliste devant les témoins ou devant les acteurs des faits que je consigne. Quelle place occuper devant un meurtrier? Quelle place occuper devant des victimes d'un tsunami? Ça, c'est une question que Truman Capote devait se poser déjà à l'époque de 200 froids. Et c'est sans doute parce que cette question est particulièrement délicate pour Truman Capote qu'il a choisi d'occulter sa place. Parce qu'il n'est pas un observateur, il est un véritable acteur de ce qui a eu lieu dans ce qu'il raconte dans 200 froids, puisqu'il a fait des lettres pour demander des grâces, il a été un ami très intime d'un des deux meurtriers, et que cette aventure, en quelque sorte au long cours qu'il a faite dans cette province américaine, est une aventure qui l'a bouleversée au point qu'il n'écrira plus de livres. Mmh. En quelque... cet exemple, si l'on peut dire, a été profondément médité par Emmanuel Carrère. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir à quel point il admire Truman Capote et ce roman de sang-froid, à quel point il a vraisemblablement envie de faire la même chose avec l'adversaire, et en même temps il sait très bien que ça a conduit Truman Capote à la stérilité. Donc il y a une envie de jouer avec le feu presque. C'est une hantise, hein. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte que ce livre-là, l'adversaire, est un livre dont il risque de ne pas sortir indemne, voire un livre qui risque d'être son dernier. Et il le dit à plusieurs reprises dans les entretiens, à quel point ce livre est non seulement un livre pivot, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, entre les romans et l'écriture de la non-fiction, ou le récit documentaire comme il l'appelle lui-même, mais c'est aussi un livre qui n'aura cessé d'avoir des rémanences, qui n'aura cessé de tramer des obsessions tout au long du reste de son œuvre, au point que on peut considérer que c'est un livre qu'il reprend, qu'il réajuste en permanence, notamment dans un roman russe. Mais je reviens sur cette idée de la place. Ce terme que vous utilisez fait évidemment penser au titre du roman d'Annie Ernaux, parce que là, on est dans aussi l'autobiographie. Est-ce que pour vous, et c'est, je reprends un petit peu la question que je posais tout à l'heure, on est dans une francisation via l'autofiction, le genre de l'autofiction, de cette tradition américaine du récit non-fiction novel? Alors, roman-document. Annie Ernaux est une écrivaine qu'admire, qu'affectionne tout particulièrement Emmanuel Carrère, et on peut dire qu'ils ont en partage beaucoup d'éléments, notamment une grande fascination envers l'œuvre de Georges Perec, une attention à l'ordinaire et surtout une attention au conditionnement sociologique. De ce point de vue-là, on peut dire que la place, ou cette interrogation sur la place, c'est une interrogation presque de réflexivité sociologique. Depuis quel endroit est-ce que je parle pour pouvoir me saisir des différents événements qui m'entourent? Alors, en revanche, ni l'une ni l'autre ne pratique à proprement parler de l'autofiction. C'est-à-dire que Une ambiance peut-être générale dans la littérature française de ces dernières décennies. Ce sont des récits attestés, des récits autobiographiques ou des récits de filiation dans le cas d'Annie Ernaux ou d'un roman russe, hein, qui s'attachent aux figures généalogiques, mais qui vont mobiliser des outils qui sont des outils romanesques. Donc il y a un entrelacement effectivement de ce qu'est la littérature romanesque et d'autre part de ce qu'est la littérature factuelle, mais il ne s'agit pas de mêler ou de produire un effet d'indécision entre fiction et réel, comme dans l'autofiction de Dubrovski. Allez, on écoute un extrait de L'Adversaire. Divonne est une petite station thermale proche de la frontière suisse, réputée surtout pour son casino. J'y ai situé autrefois quelques pages d'un roman sur une femme qui menait une double vie en cherchant à se perdre dans le monde du jeu. Ce roman se voulait réaliste et documenté, mais faute d'avoir visité tous les casinos dont je parlais, j'ai écrit que Divonne est au bord du lac Léman, distant en réalité d'une dizaine de kilomètres. Il y a bien quelque chose qu'on appelle un lac, mais ce n'est qu'un petit plan d'eau devant lequel se trouve un parking où il stationnait souvent. J'y ai stationné moi aussi. C'est le souvenir le plus net que je garde de mon premier voyage sur les lieux de sa vie. Il n'y avait que deux autres voitures, inoccupées. Il ventait. J'ai relu la lettre qu'il m'avait écrite pour me guider, regardé le plan d'eau, suivi dans le ciel gris le vol d'oiseaux dont je ne connaissais pas les noms. Je ne sais reconnaître ni les oiseaux ni les arbres, et je trouve ça triste. Il faisait froid. J'ai remis le contact pour avoir du chauffage. La soufflerie m'engourdissait. Je pensais au studio où je vais chaque matin après avoir conduit les enfants à l'école. Ce studio existe, on peut m'y rendre visite et m'y téléphoner. J'y ai écrit et rafistole des scénarios qui sont en général tournés. Mais je sais ce que c'est que de passer toutes ces journées sans témoin. Les heures couchées à regarder le plafond, la peur de ne plus exister. Je me demandais ce qu'il ressentait dans sa voiture. De la jouissance, une jubilation ricanante à l'idée de tromper si magistralement son monde? J'étais certain que non. De l'angoisse? Est-ce qu'il imaginait comment tout cela se terminerait? De quelle façon éclaterait la vérité et ce qui se passerait ensuite? Est-ce qu'il pleurait, le front contre le volant? Ou bien est-ce qu'il ne ressentait rien du tout? Est-ce que seul, il devenait une machine à conduire, à marcher, à lire, sans vraiment penser ni sentir? Un docteur roman résiduel et anesthésié? Un mensonge, normalement, sert à recouvrir une vérité. Quelque chose de honteux, peut-être, mais de réel. Le sien ne recouvrait rien. Sous le faux docteur roman, il n'y avait pas de vrai Jean-Claude Roman. Un extrait lu par Emmanuel Carrère lui-même. Qu'en retenez-vous, Laurent Demanze? Alors j'en retiens deux choses. J'en retiens d'abord la formule qui est une formule qui est récurrente chez Emmanuel Carrère du sans-témoin. C'est une formule qui est un véritable cauchemar pour Emmanuel Carrère. Une existence sans témoin est quasiment une existence qui n'aurait pas d'épaisseur, pas de sensibilité, qui n'aurait pas de réalité même. Être sans témoin, c'est en quelque sorte bifurquer dans un univers qui est sans épaisseur et pour ainsi dire celui de la fiction. Et en quelque sorte, on peut dire que un des enjeux d'Emmanuel Carrère, c'est de témoigner de ce sans-témoin. En tant que reporter, c'est ce qu'il désigne dans « Il est avantageux d'avoir où aller ». Son modèle devient non pas celui du récit, mais de témoigner pour ceux qui sont sans témoin. L'autre élément que je retiens, c'est le rapport qu'il fait avec un précédent roman qui s'intitule « Hors d'atteinte ». Et cette figure du hors d'atteinte, cette formule-là, est une formule qui est récurrente dans l'ensemble de l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Relisez tous les livres d'Emmanuel Carrère, cette formule se trouve. Il y a d'ailleurs un très juste article de Dominique Rabaté consacré à cette formule pour désigner à la fois quelque chose qui est un désir, être hors d'atteinte du monde, s'arracher aux conditionnements sociologiques, pouvoir en quelque sorte être dans un espace de dérive, et en même temps être dans cet espace où l'on ne peut pas être en interaction avec autrui. En somme, l'enquête que mène Emmanuel Carrère dans l'adversaire n'est pas tellement une enquête sur les motivations de Jean-Claude Roman qui n'intéresse pas, ni non plus sur la manière dont a eu lieu le fait divers, mais bien plutôt savoir ce que Jean-Claude Roman avait à l'esprit au moment où il était dans les parkings que sillonne également Emmanuel Carrère. Vous voyez qu'il y a dans cette enquête l'idée de refaire géographiquement, spatialement, par le corps, mais aussi mentalement, l'expérience même d'être hors d'atteinte. Est-ce que être hors d'atteinte, c'est une forme de solitude subie, comme il peut s'intéresser aussi à la solitude choisie? C'est un thème, ça, pour vous, chez Emmanuel Carrère? Alors, c'est la solitude subie et souvent très cauchemardesque qui nous est racontée, notamment au début d'un roman russe et qui est à l'origine de Retour à Kotelnitch. Vous vous souvenez de cette figure du prisonnier hongrois, András Tomás, qui va passer des dizaines d'années dans un asile psychiatrique en Russie, à Kotelnitch, ne parlant pas la langue des soignants qui sont autour de lui. Il est donc dans une situation d'isolement absolu et de refus même d'être dans une moindre relation avec qui que ce soit. Et cette hantise va se retrouver dans de très nombreux cauchemars qui vont ponctuer toute l'œuvre, qui sont racontés par exemple au début d'un roman russe dans une scène de train, ou encore à l'intérieur de la classe de neige, celle de l'individu isolé, enfermé notamment dans un coffre et soumis à toutes les violences possibles. Et d'ailleurs il y a ce fantasme qui revient, ce cauchemar qui revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Emmanuel Carrère, de cet enfant, c'est un fait divers qu'il avait lu dans un journal, d'un enfant enfermé en lui-même. Exactement, qui a perdu la possibilité de parler, de voir, et qui est tout en étant vivant dans un moment qui est de clôture absolue et infinie par rapport au dehors. Ouais. C'est sans doute aussi un des éléments qu'il va chercher à l'intérieur de son goût très fort pour la littérature science-fiction de Philip K. Dick. Mmh. C'est un motif que l'on retrouve fréquemment à l'intérieur de la littérature de Philip K. Dick. En quelque sorte, une incapacité à être dans un rapport au réel. Et c'est sans doute là ce qui permet à Emmanuel Carrère d'interroger les rapports entre réalité et fiction. Alors, on a commencé à le dire, l'adversaire marque une rupture très importante dans l'œuvre de Emmanuel Carrère entre d'un côté ce qui relèverait de la fiction pure ou à peu près pure, même s'il y a évidemment de l'autobiographie dans les premiers romans, et un genre qu'il va finalement trouver avec l'adversaire, Laurent de Manze. Oui, exactement. Alors, je voudrais peut-être un tout petit peu brouiller malgré tout cette partition qui est très juste parce que l'adversaire constitue un pivot qui est souvent souligné par les critiques et par les lecteurs. Mais en même temps, il faut se rappeler à quel point l'adversaire est un livre qu'il a mis très longtemps à écrire, qu'il a mis 7 ans à l'écrire après plusieurs abandons successifs. L'adversaire n'est donc même pas un récit. Je dirais qu'il est plutôt une tentative de restitution de différents essais. Biographique, d'enquête. Et parmi l'un des abandons qu'a fait Emmanuel Carrère, il y a un abandon qui l'a conduit à écrire dans un état de fièvre narrative, La classe de neige, qu'il a écrit pour ainsi dire en 2 semaines, et qui reprend, déplace, dénoue, déjoue toute une série de hantises et de motifs qui se trouvaient au cœur de l'affaire Jean-Claude Roman. Et c'est d'ailleurs ce roman, La classe de neige, de l'adversaire. C'est le miroir inversé avec des effets de reprise et des effets de déplacement. C'est à la fois les mêmes lieux qui sont investis avec cette hantise du silence et de la neige. C'est non plus le fils qui tue les parents, mais le père qui est un meurtrier. Donc c'est tout un jeu de renversement, mais qui permet de dénouer, qui permet surtout d'entrer en relation avec Jean-Claude Roman. C'est-à-dire qu'en envoyant à Jean-Claude Roman La classe de neige, Jean-Claude Roman qui n'avait pas répondu jusqu'alors à la lettre d'Emmanuel Carrère que vous avez fait lire hier, prend contact avec Emmanuel Carrère en disant qu'il s'est reconnu dans le portrait de l'enfant que de dresser Emmanuel Carrère. Donc il n'a jamais abandonné en réalité le projet de raconter cette histoire de Jean-Claude Roman, même passant apparemment à autre chose. Non, et je pense que ça a eu un effet de dénouement par ce déplacement-là, parce qu'il a réussi à épurer en quelque sorte la hantise qu'il cherchait à élucider à l'intérieur de l'affaire Jean-Claude Roman. Ce que change tout de même dans son écriture ce passage qu'on décrit de la fiction pure à autre chose, le réel qui arrive finalement dans ses livres, c'est l'habitude qu'il va prendre de raconter des vies parallèles. Et ça semble un motif qui va s'amplifier au fur et à mesure. Oui, exactement. On peut dire que depuis l'adversaire, chacun de ses livres constitue, pour reprendre le titre de Plutarque, que des vies parallèles. Alors c'est d'autant plus vrai dans l'adversaire où c'est un face-à-face entre le meurtrier et lui-même. Mais on peut dévider l'ensemble de sa bibliographie par la suite. Un roman russe est un récit parallèle d'Emmanuel Carrère et de son grand-père, avec la crainte de rejouer de manière dramatique la dépression, la mélancolie du grand-père, et d'autres vies que la mienne. Vous voyez d'emblée, dès le titre, qu'il s'agit d'aller chercher des alter-ego, d'aller se frotter à d'autres individualités pour essayer, non pas de se comparer, mais pour essayer de s'améliorer. C'est un des enjeux qu'on trouve d'ailleurs chez Plutarque. Cette idée de mise en parallèle est une idée, en quelque sorte, de construction de soi, d'exercice de soi à travers la rencontre d'autrui. Donc saisir par l'écriture la vie d'autrui, la comprendre et la comprendre en suspendant le jugement. Et ça, je crois que c'est très important. Ah, c'est une condition qui est une condition essentielle de l'écriture d'Emmanuel Carrère. Hein. Il le dit à plusieurs reprises, il le dit notamment dans Limonov, hein, je suspends mon jugement, et il demande au lecteur de suspendre son jugement le temps de la lecture. Mmh. Cette suspension du jugement, puisque j'avais évoqué à la fois l'ethnographie et la sociologie, c'est aussi un des éléments de la méthodologie des sciences sociales. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il s'agit d'abandonner durant tout le temps du récit, tout le temps de l'enquête, une axiologie Il s'agit d'abandonner en quelque sorte les présupposés que nous avons tous, en quelque sorte pour être plus disponible, plus hospitalier aux différents témoignages, aux différentes vies, et pour éviter d'avoir une position de surplomb par rapport aux figures que l'on croise et que l'on interroge. Mmh. Ce qui a conduit Emmanuel Carrère à s'intéresser à d'autres vies que la sienne, c'est aussi vraisemblablement le besoin d'admirer d'autres vies et d'admirer notamment des vies qui sont extra-ordinaires, qui sortent de l'ordinaire. C'est le cas avec Limonov, dont on ne peut pas dire qu'il l'admire, puisque dans le livre, il le condamne, mais il y a tout de même une fascination très très forte. Je crois qu'on l'entend dans l'extrait que je voudrais qu'on écoute à présent et qui est lu par Laurent Demanze. Non, c'est pas un extrait, pardon, c'est un entretien de Emmanuel Carrère avec Caroline Brouet. Ce qui m'intéressait dans l'histoire de Limonov, c'est que ça montre de façon très exacerbée une façon de vivre la condition d'homme, le fait d'être un homme, et je dirais un homme encore plus qu'une femme. Enfin, c'est vraiment un peu un truc de garçon là. C'est cette espèce de fantasme qui, je pense, a été le sien toute sa vie et qui a été le mien, une petite partie de la mienne, qui je pense est celle de tous les enfants, de tous les adolescents, encore une fois peut-être davantage des garçons. C'est le fantasme de la vie aventureuse, de la vie où on fait rien comme tout le monde, où on vit tout le plus intensément possible, où on part dans tous les sens. Dans le passage que vous avez lu, à un moment, je fais allusion à l'histoire des lavabos à Saratov. Peut-être vaut-il le coup de raconter à l'auditeur ce que c'est que l'histoire des lavabos à Saratov. Limonov a été en prison à un moment donné, entre 2000 et 2003. Il a été foutu en prison sous l'inculpation assez romanesque de tentative de coup d'État au Kazakhstan. Et il s'est retrouvé dans un camp de travail pour droit commun, un régime dur, tout ça, il avait déjà passé la soixantaine, enfin pas une partie de plaisir. Et il observe à un moment dans un de ses livres de prison que ce camp de travail où il se trouvait, qui avait fait l'objet des soins d'architectes, de choses comme ça, enfin, c'était une espèce de prison modèle, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'était une prison agréable à vivre. Il y avait là des lavabos, des sanitaires, qui étaient exactement les mêmes que ceux d'un hôtel new-yorkais ultra branché, ultra cher, aménagé par Philip Stark, où un jour l'avait logé son éditeur américain. Et la remarque que fait Limonov, c'est « Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre dont l'expérience inclut des univers aussi variés que un camp de travail pour droit commun à Saratov sur la Volga et un hôtel chic à New York designé par Philip Stark. » En tout cas, que certainement personne parmi les gens qui se trouvent dans ce camp n'a la moindre idée de ce qu'est un hôtel designé par Philip Stark à New York, et aucun client de cet hôtel n'a la moindre idée de ce que c'est que la vie dans un camp de travail à Saratov sur la Volga. Ça m'avait frappé. La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'en pensez-vous, Laurent Demanze, de ce fantasme de la vie aventureuse? Alors vous voyez que dans ce fantasme de la vie aventureuse, il s'agit pour Emmanuel Carrère de souligner un écart existentiel entre deux lieux absolument opposés, absolument distants. Ce qu'il va trouver dans Limonov et qui ne correspond pas à sa propre expérience biographique, c'est cette capacité de divergence, de bifurcation, d'écart. En quelque sorte, une capacité à avoir plusieurs vies en une seule biographie. Mmh. C'est d'ailleurs ce qu'il souligne à l'intérieur de Limonov, si je peux me permettre de le dire. Limonov, lui, a été voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique, clochard, puis valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain à la mode de Paris, soldat perdu dans les Balkans, et maintenant dans l'immense bordel de l'après-communisme, vieux chef charismatique d'un parti de jeunes desperados. Ce qu'il va donc désirer, c'est en quelque sorte une capacité de dilatation de la vie et de pouvoir inscrire à l'intérieur d'un même parcours des vies possibles qui sont des vies habituellement, pour nous, incompossibles. Et en même temps, il y a quelque chose de terrible dans cette recherche permanente de ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est le contraire de nos vies à tous et de sa vie à lui aussi. Oui, alors je modérerai peut-être un petit peu, parce que c'est vrai que dans Limonov, il va chercher ce qu'il appelle lui-même à l'intérieur de sa biographie une vie romanesque. Je rappelle simplement que Limonov, lorsque Emmanuel Carrère lui dit « J'écris sur vous parce que vous avez une vie romanesque », Limonov lui répond « Une vie de merde, oui ». Donc, bien sûr, il y a cette idée de vie aventureuse, mais il faut pas oublier d'autres vies que la mienne, ou un roman russe, qui va s'attacher au contraire à des vies ordinaires, à des vies d'hommes et de femmes simples. Dans un roman russe, il y a quand même le départ en Russie pour des vies certes ordinaires, mais qui ne sont pas du tout l'ordinaire d'Emmanuel Carrère. Mais qui sont des vies sinistres, des vies sans capacité de bifurcation, comme j'indiquais précédemment, qui sont des vies soumises à une inertie du quotidien contre laquelle Emmanuel Carrère va essayer d'écrire beaucoup de ses livres, et c'est d'ailleurs son roman Hors d'atteinte qui désigne ce désir de sortir de la répétition, de la monotonie, et qu'il va investir chez Limonov notamment. Donc au fond, Emmanuel Carrère ne cesse d'écrire des récits qui se demandent ce que c'est que vivre et ce qu'on doit faire de sa vie. Je crois que c'est très juste, c'est-à-dire qu'il y a dans toute l'œuvre d'Emmanuel Carrère quelque chose comme une perplexité éthique. C'est-à-dire que cette suspension de jugement que vous indiquiez, que vous rappeliez tout à l'heure, c'est aussi une façon pour lui de se confronter à d'autres modèles de vie, de se confronter à d'autres pratiques, de se confronter à d'autres manières de s'inventer. Et en quelque sorte... Toujours en se comparant. Alors en se comparant, je dirais, de manière modeste et sur le mode du témoin, mais toujours en essayant d'aller apprendre des vies qu'il rencontre, des manières de pouvoir réaliser plus pleinement sa dimension humaine. Laurent Demanze, nous voilà arrivés à la moitié de cette émission, ce qui signale, comme chaque jour, le moment de faire une pause avec En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Tiphaine Samoyau de la revue littéraire En ligne, En attendant Nado. Bonjour Tiphaine. Bonjour Mathieu. Un commentaire peut-être pour commencer sur ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites dans la première partie de cette émission. Je suis sûr que vous avez envie d'apporter votre grain de sel. Absolument. Non, ça m'a passionné. Bon, moi je suis moins sensible que vous, Laurent Demanze, à la dimension sociologique de l'œuvre d'Emmanuel Carrère. J'ai l'impression que c'est une œuvre qui passe son temps à essayer de sortir du sociologique et qui trouve dans la littérature une manière de le faire, en tout ce que vous avez dit, sur l'aventure qui n'est pas réservée évidemment aux petits garçons ni aux hommes, ce goût de l'aventure, mais qui me paraît contredire cet aspect sociologique de l'œuvre. Et en revanche, une chose qui me frappe chez Emmanuel Carrère, c'est qu'il n'a pas peur du psychologique, alors que beaucoup d'écrivains s'en défendent. Et finalement, je trouve ça assez puissant aussi, ça, dans son œuvre. Mm-hmm. Puis une dernière chose que j'ai envie de dire en vous écoutant, on fait référence à Truman Capote et à De sang-froid comme modèle, mais lui, il est devenu le modèle de quelque chose qui est maintenant une forme très très dominante de la littérature contemporaine, voire même de l'histoire contemporaine, ce récit d'enquête, ce roman documentaire auquel il a donné quand même une forme et qui fait de lui aussi un précurseur. Et en particulier biographique, parce qu'il y a aussi la mode des romans qui prennent une figure biographique comme centre. Oui, tout à fait. Alors, numéro 52 d'En attendant Nado est sur le point de sortir. On l'attend avec impatience, c'est pour demain. Il y est question notamment du livre de Samuel Lézé sur Freud, Freud Wars. C'est au PUF. Parlez-en-nous. Ah oui, c'est un livre très intéressant sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Freud bashing, c'est-à-dire toutes les campagnes de dénigrement dont Freud a fait l'objet. Alors s'il y a autant de campagnes de dénigrement contre Freud, c'est d'abord, il faut le souligner, parce qu'il est devenu une icône de la culture de masse, voire même de la pop culture. Il y a de multiples effigies, enfin à commencer par les portraits de Warhol. Mais le livre revient sur quelques exemples de guerre contre Freud, et en particulier les psychanalystes ou les psychiatres américains dans les années 80, lorsqu'ils décident de quitter la psychanalyse pour occuper le terrain de la psychiatrie contre la psychanalyse, et qui ont besoin pour cela de passer par un dénigrement de la personnalité de Freud. C'est ça qui est frappant, c'est que pour critiquer la psychanalyse, enfin ce que montre ce livre... Il faut trouver des névroses à Freud. C'est ça, exactement. Et des liaisons avec sa belle-sœur, et des compréhension de ses patients, etc. Et au-delà de tout cela, bon, c'est un livre passionnant, c'est de comprendre comment est-ce qu'une icône culturelle ou une référence culturelle peut varier, peut être interprétée de manière si différente selon les époques. Je cite le livre, hein, « Comment le statut d'évidence d'un objet culturel peut-il autant varier? Comment une certitude tombe-t-elle en désuétude ?» Je trouve que c'est très intéressant aussi de réfléchir à ces questions. Alors, on reste en Russie, je dis ça parce qu'avec Emmanuel Carrère, on est beaucoup en Russie, mais également parce que dans le numéro précédent de votre revue, on parlait en particulier de la Russie. Et dans celui-ci, vous évoquez la nouvelle édition complétée de documents inédits de Cercueil de Zinc. C'est un livre de Svetlana Alexievitch. Oui, alors c'est particulièrement intéressant et en résonance aussi avec l'œuvre d'Emmanuel Carrère que cette œuvre de Svetlana Alexievitch, puisque c'est vraiment une œuvre documentaire dont on peut dire qu'elle se caractérisait au début par un souci d'objectivité très grand, hein, puisque l'enquêteuse s'effaçait derrière les paroles et le montage des paroles. Il y avait quelque chose de plus Reznikovien, enfin vraiment de montage de paroles. Et ce qui est frappant dans cette édition des Cercueils de Zinc, c'est que Svetlana Alexievitch prend la parole, hein, sous la forme d'un journal d'enquête, et également en retraçant, en fournissant les documents des différents procès qu'elle a eus suite à ce livre, dont je rappelle qu'il évoque les paroles de soldats ou de personnes ayant été concernés par la guerre en Afghanistan, et qu'il donne une image absolument terrible de cet engagement de la Russie dans la guerre en Afghanistan, enfin de l'URSS mourante. Et ce sur quoi nous mettons l'attention, je pense que c'est très intéressant, c'est que ce livre a connu sa première édition à l'époque où l'URSS existait encore et où la guerre n'était pas achevée. Et c'est très intéressant de se dire qu'est-ce que 30 ans après, ce document brut, ce document à chaud, ce document d'une violence extrême, fait à notre mémoire, hein. Et en réalité, on voit bien que c'est une mémoire qui est encore à constituer, hein, qui est très ténue pour nous. Et donc, c'est un document absolument exceptionnel, hein, y compris dans la reprise qu'une auteure peut faire de son propre travail. Il y a quelque chose qui fait écho d'ailleurs avec Emmanuel Carrère, tout de même dans le travail de Svetlana Alexievitch, dans le rapport au réel, le rapport au journalisme. Absolument. Et d'ailleurs, je crois que Carrère en parle dans Limonov. Oui, non, c'est absolument déterminant. C'est d'ailleurs, bon, par rapport au débat que vous aviez tout à l'heure sur journalisme écrivain, il faut rappeler que lorsqu'elle a obtenu le prix Nobel de littérature, ça a pas autant fait couler d'encre que le prix Nobel accordé à Bob Dylan. Bob Dylan, pardon. Mais quand même, c'est pas de la littérature, c'est du journalisme. Mm-hmm. Et donc c'est cette contiguïté ou cette frontière très ténue entre les deux écritures qui est questionnée par l'une et par l'autre. Merci beaucoup Tiphaine Samoyot. En attendant Nado, c'est donc une revue en ligne, c'est gratuit, on peut la consulter à l'adresse en-attendant-nado.fr ou taper dans un moteur de recherche ces trois mots, ce sera même plus simple. Merci Tiphaine, à bientôt. Vous êtes bien sur France Culture et toujours à l'écoute de la Compagnie des auteurs. Nous parlons d'Emmanuel Carrère avec aujourd'hui Laurent Demanze, professeur à l'ENS de Lyon. Et avant de reprendre notre entretien, un extrait d'un livre dont on n'a pas encore assez parlé peut-être, D'autres vies que la mienne. Ce matin, Jeanne s'est réveillée à 7h. Elle est sortie seule de son lit, dont elle escalade désormais les barreaux, et elle nous a rejoints dans le nôtre. Je suis allé à la cuisine lui préparer son biberon, qu'elle a bu, couché entre nous deux, sans trop de bruit ni d'agitation. Mais ce répit ne dure jamais très longtemps. Bientôt, il faut jouer et chanter. Sa chanson préférée en ce moment, c'est Monsieur l'Ours. Le dos tourné, la couette remontée au-dessus de la tête et ronflant bruyamment, je tiens le rôle de Monsieur l'Ours. Hélène chante. Monsieur l'ours, réveille-toi. T'as bien trop dormi comme ça. Au bout de trois, réveille-toi. Un, deux, trois. Monsieur l'ours, tu dors ou tu sors? Et la première fois, de ma voix la plus caverneuse, je réponds « Je dors ». Hélène recommence. « Monsieur l'ours, tu dors ou tu sors ?» Cette fois, je me retourne en grondant. « Je sors ». Hélène et Jeanne imitent, comme dans le disque, les cris de peur des enfants. Jeanne est aux anges. Monsieur l'ours n'aura qu'une saison. Avant lui, il y a eu les trois petits minous qui avaient perdu leur mitaine. Et quand, par hasard, elle ouvre encore le livre musical des trois petits minous, dont les piles donnent des signes d'épuisement, c'est déjà quelque chose comme de la nostalgie qui nous étreint. C'était la chanson de quand elle était toute petite, qu'elle marchait à peine, ne parlait pas encore. Et ce temps-là, ce temps miraculeux, est déjà passé. Il ne reviendra plus. Je pense à toutes ces scies qui nous enchantent et à la torture que cet enchantement doit devenir une fois l'irrémédiable arrivé. Les jouets, les comptines, les chaussons, quand la petite fille pourrit dans une boîte sous terre. Pourtant, cet enchantement est redevenu possible pour Delphine et Jérôme avec leurs deux autres enfants. Ils n'ont rien oublié, mais ils ne sont pas restés dans le gouffre. Je trouve cela admirable, incompréhensible. Mystérieux, c'est le mot le plus juste. Mystérieux. Voilà pour cet extrait de D'autres vies que la mienne, lu par Emmanuel Lemire. Je voyais écouter intensément Laurent Demanze. Oui, intensément, parce que dans cet extrait, il y a beaucoup de choses, me semble-t-il. D'abord, il y a une façon de dire la douceur des gestes du quotidien, de le dire avec une tonalité mélancolique de ce qui est déjà en train de s'enfuir. Il y a aussi une façon de montrer que ces gestes du quotidien se font sur un cadre qui est un cadre effrayant, celui de l'ours qui gronde, et qu'il y a toujours une dimension cauchemardesque sous-jacente dans l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Et enfin, parce que vous voyez bien qu'à la fin de cet extrait, il s'agit pour Emmanuel Carrère de souligner qu'il y a un désir de réparation, un désir de penser avec un A. Et je voudrais renvoyer au très beau livre d'Alexandre Geffen, Réparer le monde, qui met le livre D'autres vies que la mienne comme un des modèles de cette littérature thérapeutique qui a pour ambition, pour tâche, de soigner les âmes, de les accompagner en quelque sorte. Donc c'est un romancier performatif. Il souhaite que ses romans aient un effet sur les personnes qui vont les lire. Ah oui, c'est d'ailleurs une revendication très nette et très affirmée. Alors en revanche, cette performativité, elle est très ambivalente chez Emmanuel Carrère. C'est une performativité de soins, d'accompagnement dans d'autres vies que la mienne, qui marque une petite bifurcation à l'intérieur de son œuvre, puisqu'il s'agit non plus de s'intéresser à des univers qui soient des univers cauchemardesques, mais plutôt à des situations ordinaires, à, même si elles sont très douloureuses et très bien traumatiques. Ça part d'un du tsunami et d'un cancer. Ça, c'est tout de même une situation extraordinaire. Mais qui sont le lot commun de nos existences en même temps. Et qui s'attachent donc, par cet accompagnement, à essayer de trouver quelle place, quelle forme de parole, quelle forme de distance par rapport à ceux qui sont en train de souffrir, il convient d'adopter. Mais en revanche, cette performativité, elle est aussi particulièrement douloureuse, voire un peu manipulatrice à l'intérieur d'autres textes, et notamment dans un roman russe avec la nouvelle destinée à Sophie, qui avait d'abord été publiée dans Le Monde, sous le titre L'usage du monde, et qui a été intégralement citée à l'intérieur d'un roman russe, à la manière d'un montage. Il s'agissait, dans cette nouvelle érotique ou pornographique, de faire de la lectrice, en quelque sorte, son propre jouet de fantasme. De la lectrice et des autres personnes. Et des autres personnes qui sont voyeurs de ce fantasme en train d'être réalisé. Et cette transformation, en quelque sorte, d'une personne réelle en personnage que l'auteur manipule, est évidemment une transformation qui se renverse de manière tout à fait calamiteuse et qui déjoue tous les plans d'Emmanuel Carrère. C'est d'ailleurs un des enjeux d'un roman russe et de cette séquence, de souligner à quel point le réel ne cesse de déjouer les scénarios qu'on fait pour essayer de le maîtriser. Il y a, puisque la psychanalyse a été évoquée par Tiphaine, il y a une dimension très forte de psychanalyse chez Emmanuel Carrère. Il a suivi longuement une psychanalyse. Et parmi les, je dirais, les outils, même s'il ne les utilise pas à la manière d'un concept, il y a ce terme de réel qui revient très fréquemment. Pour lui, le réel, c'est pas seulement ce qui est attesté, ce qui est sensible, ce qui est matériel. Le réel, c'est ce qui fait effraction, ce qui vient déjouer nos attentes, ce qui vient, en quelque sorte, nous frapper de plein fouet. Ça peut être un tsunami, ça peut être une manipulation ratée. C'est en quelque sorte ce qui vient déchirer le tissu de nos scénarios et de nos fictions mentales. Vous parlez d'un livre qui est un hommage à la psychanalyse. C'est peut-être même d'ailleurs pas de vous qu'est l'expression, mais en tout cas vous la reprenez à votre compte pour un roman russe. Ah, pour un roman russe, c'est Claude Burgelin, dans un très bel article qu'il utilise cette expression. Il faut bien souligner qu'il y a plusieurs éléments qui font converger le travail d'Emmanuel Carrère avec celui de la psychanalyse. D'abord celui du lien, celui du rapport. Ce que souligne Emmanuel Carrère à propos d'un roman russe, c'est que la psychanalyse est un art de tissage de relations. Et ce que fait Emmanuel Carrère dans un roman russe, c'est de mettre en quelque sorte des éléments disparates, de les juxtaposer en espérant que par le montage, quelque chose s'ajuste, quelque chose s'élucide. Et c'est sans doute là un des enjeux de la psychanalyse. Mmh. Un des autres éléments qu'on peut retrouver dans la psychanalyse, mais sans doute plutôt la psychanalyse de Maria Torok et de Nicolas Abraham, c'est le rapport aux fantômes. Vous vous souvenez sans doute que chez Maria Torok et Nicolas Abraham, les secrets de famille, les secrets qui n'ont pas été transmis, comme vous l'aviez vu hier avec Angie David, ces secrets-là s'encryptent à l'intérieur du corps, deviennent en quelque sorte un fantôme qui prend possession de nous, et que la tâche pour le sujet est en quelque sorte de créer une sépulture pour ces fantômes, pour pouvoir les exorciser, à la fois leur rendre hommage, mais s'en débarrasser. C'est exactement le projet qu'il y a à l'intérieur d'un roman russe, et où il s'agit à la fois de redessiner le parcours du grand-père, mais aussi de prendre ses distances avec la destinée maléfique qui fut la sienne. Et donc ça se retrouve à la fois dans le style et aussi peut-être dans la construction des romans, cette volonté de non-linéarité, cette volonté de surprise, de flashback, de parallélisme. Donc il y a tout un dispositif qui vient dire par la forme ce que vous venez de dire là. Vous avez employé un vocabulaire qui est un vocabulaire du cinéma. Et cette dimension de dispositif, il me semble qu'on ne peut pas ne pas la relier à la pratique de scénariste, de réalisateur d'Emmanuel Carrère. Cette pratique, c'est même, je dirais, un présupposé esthétique. Ce que réclame Emmanuel Carrère, c'est de ne pas savoir ce que va raconter l'histoire au moment où il la commence. Il est donc comme un réalisateur, comme un documentariste, en train d'accumuler des documents, des rushs, des coupes, et de se dire qu'au montage, quelque chose va survenir et que ça doit le surprendre. Mais là, vous parlez du travail préliminaire, du travail de documentation, parce que quand on lit un roman d'Emmanuel Carrère, à la fin, on comprend qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été distillées au fur et à mesure, et donc l'ensemble prend sens. On n'a pas l'impression de quelque chose qui est fait comme ça au fil de la plume, on a au contraire l'impression d'une construction très précise. Est-ce que c'est le cas ? Alors la construction est très précise, évidemment, d'abord parce qu'il y a un très grand souci pédagogique, notamment dans notre vie que la mienne, une volonté de faire entrer le lecteur dans des univers qui nous sont parfois éloignés, par exemple les tribunaux des juges d'instance de Vienne, ou dans l'univers du royaume, où il y a un sens qui est de nous accompagner, de nous acculturer progressivement à une difficulté qui est une difficulté terminologique, ou historique, ou archéologique. Mais en même temps, il faut toujours rappeler que les livres d'Emmanuel Carrère s'écrivent sur le longtemps, mmh. et qu'il est donc en train de multiplier les petites prises d'écriture, les petits moments de scénarisation, sans que ce travail de lissage ne soit un travail de lissage prémédité. Et c'est ce qu'il dit à propos d'un roman russe. Le modèle qu'il va chercher dans un roman russe, ça va être le modèle de Georges Perec, de W ou Le Souvenir d'enfance. Il va se dire que vous vous souvenez que W, le souvenir d'enfance, est construit sur deux séries, l'une d'un fantasme totalitaire sur Neil le sportif et l'autre d'une enquête sur un souvenir d'enfance absent. Et cette absence de rapport lui permet, selon Emmanuel Carrère, de prendre en tenaille quelque chose qu'il ne pourrait pas dire, c'est-à-dire ce sont des stratégies de détour, des stratégies de surprise, parce qu'il n'arrive pas à dire ou parce qu'il est bien particulièrement difficile de saisir frontalement ces événements traumatiques. Mais tout de même, il y a des techniques qui viennent aider à d'abord la pédagogie. Vous dites que c'est en général des livres qui sont pédagogiques et puis qui sont aussi des techniques du roman. Et c'est vrai qu'on a peine à croire que tous ces rebondissements n'aient pas été tout de même très précisément travaillés. Alors, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que, évidemment, ces techniques, ce sont des techniques qui sont des techniques romanesques de mise en suspens, de surprise, de rebondissement, comme vous le soulignez, notamment lorsqu'on voit les réponses de la Cour européenne aux demandes des juges de Vienne. Hein, il y a un effet qui consiste à créer des effets littéraires à partir d'événements avérés. Et ça, Emmanuel Carrère, en tant que scénariste, sait créer des pauses, sait créer des accélérations de rythme. Il est très impressionnant de ce point de vue-là. L'autre élément que je voudrais rappeler, c'est que ce qui permet d'accompagner et de fluidifier ces textes qui sont montés, qui sont très discontinus, c'est cette passe continue du jeu. C'est le sentiment que nous avons à faire, non pas tellement à une enquête, mais au making-of de cette enquête. Et je voudrais revenir sur le texte de Svetlana Alexievitch, parce que le texte de Svetlana Alexievitch correspond en quelque sorte à la tradition des deux livres de l'ethnographe. Vous vous souvenez que la tradition veut que l'ethnographe publie sa monographie et puis, quelques temps après, nous en montre les coulisses en publiant le journal. Et chez Emmanuel Carrère, il n'y a pas cette division entre deux textes. Au contraire, il s'agit à la fois de nous dire les témoignages, d'aller sur place, mais de nous dire le trajet singulier, personnel et intime qui mène à ces témoignages. Et donc, il mêle à la fois une transcription du réel et le mouvement singulier, subjectif qui y mène. Alors, j'aimerais qu'on termine cette émission, même si on parlera demain avec Nathalie Frolov longuement de la Russie, par ce que vous désignez par le terme de tropisme russe. Il y a une influence constante chez Emmanuel Carrère d'un certain univers russe qui va même jusqu'à une vision historique, presque géopolitique. Laurent Demanze. Oui, un tropisme russe, même un tropisme oriental. Hein. Vous avez évoqué hier l'importance de sa collaboration en Asie, en Indonésie. Il y a le sentiment que l'univers occidental est un univers qui est sorti de l'histoire. Oui. C'est la fin de l'histoire telle que théorisée justement à la chute du mur de Berlin. Exactement. Qui est un univers où en quelque sorte nos existences ne sont plus portées par une capacité de bifurcation, de changement, d'évolution. Et au contraire, l'univers de Russie, avec l'éclatement du bloc soviétique, est un univers où les destins sont en quelque sorte encore intimement tressé au grand mouvement de l'histoire. Et c'est ce qu'il va explorer à travers Limonov. Hein, comment une figure de résistant peut devenir collaborateur, et c'est cette extension des vies qui va l'intéresser dans ce tressage très intime avec l'histoire. Donc en Occident, on s'ennuie, ça n'est pas romanesque de vivre en Occident, il faut partir. Pour raconter des histoires en tous les cas. En tout cas, la dimension qui nous est proposée de l'Occident est une dimension qui est plutôt celle de la quotidienneté, de la reprise, celle d'une certaine monotonie et d'un conditionnement social. Hein, même s'il n'y a pas la forte propension, comme le soulignait Tiphaine, sociologique, avec les outils sociologiques, il est très distant par rapport à Bourdieu. En revanche, il ne cesse de dire à quel point notre place nous est assignée par ce qu'a été notre famille, ce qu'a été notre culture, ce qu'a été notre parcours scolaire. On peut même dire que Hors d'atteinte, son roman de 1988, commence par cela. C'est une scène que nous avons tous fait, d'une discussion en attendant d'aller au cinéma à propos d'un prénom. Et le prénom du couple se révèle être un prénom générationnel que tout le monde en partage. Ce que l'on espérait être comme une singularité, comme une exception, le prénom que l'on veut donner à son enfant, se révèle finalement un lieu commun. Mmh. Et c'est cette répétition des existences qui, en quelque sorte, est aussi un espace de partage, qui est parfois, chez Emmanuel Carrère, tenu à distance dans ce tropisme russe. Et pour quelle raison cette haine, d'une certaine manière, du commun, commun au sens aussi de trop commun, un peu banal. Je pense pas qu'il y ait une haine du commun. D'ailleurs, dans Notre vie que la mienne, il reconquiert cet espace du commun, cet espace de la vie ordinaire, cet espace, la formule qu'il emploie, c'est le slogan « la vie au champ, la vie en survêtement ». Hein, il le reconquiert en montrant la légitimité, en montrant sa dignité. Mais en revanche, ce qui est frappant chez Emmanuel Carrère, c'est ce désir d'inventer une vie. C'est-à-dire permettre de pouvoir devenir maître de son existence, d'en dessiner les contours. Et c'est là, sans doute, que l'écriture et la littérature a partie liée. Et puis de vivre l'événement. Vous insistez beaucoup sur ce terme d'événement qu'on peut trouver en Orient ou en Russie plus facilement, pour les raisons que vous venez de dire, qu'en Occident. Oui, l'événement historique, alors je le soulignais il y a un instant, l'événement historique est quelque chose qui l'intéresse, mais plus que l'événement historique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette effraction du réel. Comment, en quelque sorte, nos existences sont fracassées, sont bousculées, sont dérangées par ce qui nous arrive. Et on peut même dire que Retournant à Kotelnitch n'est qu'un dispositif pour essayer d'être attentif à l'événement. Vous rappelez que Retour à Kotelnitch, il va dans une ville où il ne se passe rien, en se disant qu'il allait passer plusieurs semaines. D'ailleurs, il n'a pas de scénario, sans scénario, ne sait pas ce qu'il va filmer. En se disant que simplement, peut-être que sa présence allait produire quelque chose. Et ça rejoint la question de cette observation participante, et se dire que l'observation elle-même va faire événement, ou que quelque chose va bifurquer de par son immersion. Merci beaucoup Laurent Demanze pour cette analyse de la littérature d'Emmanuel Carrère. Je rappelle que vous avez dirigé en 2014 un numéro de la revue 2050 qui lui était consacré. Vous avez également publié en 2015 aux éditions José Corti l'essai Les fictions encyclopédiques de Gustave Flaubert à Pierre Sange. Flaubert dont nous parlerons d'ailleurs la semaine prochaine. Mais avant cela, demain exactement, notre sujet sera le rapport d'Emmanuel Carrère avec la Russie. Ce sera avec l'université Nathalie Frolov. Et puis je vous rappelle que la revue France Culture Papier est sortie et qu'il porte sur les animaux. Précipitez-vous en kiosque. Tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. À travers les poèmes, les mots qui claquent de Christian Prigent et le souvenir de 68, c'est la question de l'engagement que nous titillons ensemble cette semaine. Peut-on réagir politiquement à l'actualité? Peut-on réagir poétiquement? Comment écrire à chaud? Rares sont les poèmes accordés au drame présent. Si on peut citer, on ne peut pas ne pas citer « Vendredi 13 » du capitaine Alexandre, publié dans l'Anthologie de l'Ardeur, un poème sur les attentats. Au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était eux, c'était nous, au mauvais endroit, au mauvais moment, ils étaient, nous étions sortis, vivre un peu. Ils en sont, nous en sommes morts, frappés de plein fouet par la foudre, le feu et la fureur de ceux qui ne croient en rien, rien d'autre que la terreur et la haine. Au mauvais endroit, au mauvais moment, les mots me manquent, ils étaient, nous étions sortis, vivre un peu. Ils en sont, nous en sommes morts, innocents, frappés de plein fouet par la folie et la violence aveugle, des hommes mitraillettes, des hommes grenades, bombes humaines assoiffées de sang. Ils étaient, nous étions, ils sont, nous sommes, ces gens, innocents, gisant à terre, à Beyrouth, Kigali, Maroua, Bangui, Palmyre, le Bardo, Maïdougouri, Mumbai, hier et à Paris, aujourd'hui, capitale de la douleur, au mauvais moment, au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment, les mots ne mentent pas, c'était nous, c'était eux, c'était nous, sortis, vivre un peu, un vendredi soir, dans la douceur de l'automne et le frisson du début, de la fin d'un week-end sanglant, c'était eux, c'était nous. Alors, nous les continuerons, nous vivrons et nous aimerons plus fort. Résident de la République, 2016. Poèmes engagés. Sino, alias Christian Prigent, se souvient, en 68, à la fac, avec le camarade Stein, poète et paysan. Sino fait à pleine voix son Mayakovski dans les amphis. On lit du Breton, du Césaire, du Perret, du Michaud, même du Solers pour des auditoires sceptiques, mais polis, venus là, surtout, pour une pause entre deux manifs ou deux engueulades d'Agé. Peu importe, la poésie est allée au masse. On a fait jouer la petite vis culturelle dans le grand mécanisme politique. Le vers rythme l'action, lendemain gazouille. À pleine voix, un bon vieux Prigent écrit au couteau. Pourtant, je vécus, etc., etc. Je fus dans le penser gentil, le parler méchu, joli. Oui, oui, la pelouse poussa, l'entour s'en pétala, les cerises tomba, le rapide rêve se carapata, la langue lente derrière haleta. Ah, ah, j'aima, tu, y tout, on pareil de même, tout en thème idem, quel étonnement, quel étonnement. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui en lien avec la thématique de l'ardeur, celle du printemps des poètes, vous nous lisiez donc des poèmes de Christian Prigent.